Il fait soleil, le soleil tape ce grand corps qui se réveille, qui aimerait bien étirer ses petits membres tout froissés. La nuque est raide et la tête lourde, et l'haleine saturée de vin. L'oreille droite est à moitié sourde et la gauche ne comprend plus rien. Puis il y a les dessous qui grattent, les habits de fête chiffonnés, et le cerveau qui traîne la patte pour se remettre à fonctionner. Le front subitement alourdi quand il faut enfin se lever. L'extrémité gauche engourdie et une nausée mal réprimée. Les neurones se sont fait la malle, la matière grise est une éponge enfermé dans la capitale du milieu du pays des songes. Les lendemains déchantent souvent après les nuits de trop d'abus, de drogue, de rêve et de calmant, de bien sociaux, bien entendu. À quoi sert de prendre le maquis pour y vomir dans les buissons? Vivre rongé par l'infamie, se dire bah ouais j'aurais pu, en fait non. Il faudrait voir les choses en face, ne plus pisser dans les violons. L'exception culturelle, c'est classe, n'empêche qu'on l'a encore profond. Combien? Se passe quelque chose, que refleurisse la rose, qu'elle acère ses piquants, ou qui lui préférait le lys, le géranium, le chrysanthème, les rassurantes rondes de police. Je crie bien fort, je vous emmerde, car moi aussi j'aime mon pays, et je ne veux pas de marteau, jamais ni de faucille ni d'un quelconque ordre nouveau. Malgré tout, et la victoire.